Tout de suite sur France Culture, du lundi au vendredi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, en randonnée pour la plage, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, 53 minutes de nouvelles écoutes choisies dans la série documentaire et sur les docks. Aujourd'hui, Un monde ouvrier en héritage, un documentaire de Julie Navarre réalisé par Jean-Philippe Navarre. Au départ de cette série, il y a la honte et la fierté. La honte de la honte, mais aussi la honte comme un moteur. Il y a le désir de revanche, le sentiment d'imposture et la chance qu'on a su saisir. Et puis il y a aussi des récits d'ascension familiale. Alors pour commencer, les personnages. Un soudeur nostalgique, sa sœur modiste, une fille devenue prof, un père qui grimpe l'échelle sociale, une mère qui se débat, un fils qui ne veut pas souffrir, un travailleur social et un jeune homme qui porte un héritage. Ensuite, le décor. Des vieilles photos, une bande dessinée, la gamelle, les grèves de 36, la pointeuse, le syndicalisme, la chaîne, des belles voitures, mai 68, des petits boulots, le chômage, le travail manuel, la menuiserie, des bleus, la peine et des calomains. Aujourd'hui, dernier épisode, on regarde autour de soi. Sur votre étagère, là, c'est quoi ce personnage en métal? Ça, c'est un collègue de travail. Au moment de mon départ en retraite, il a fabriqué ça, et ça a été un cadeau, le cadeau pour moi, de l'atelier. Moi, en tenue de soudeur, on appelle ça le soudeur à l'arc. Voilà. Il a fabriqué ça avec des pièces dans l'usine? Des petits bouts de métal qu'il récupérait, puis il fabriquait ça. Avec un masque? Oui, le masque, parce que pour les yeux, puis les rayons. Et puis à côté, il y a la soudure autogène, les bouteilles du poste de soudure oxyacéthylénique. Ouais. C'est une médaille, ça? Oui, oui. Ah ben, j'en ai d'autres, des médailles du travail. Ça vous a fait quelque chose quand l'usine a disparu? L'usine Renault-Billancourt? Ah quand même, oui. Parce que quand je vois l'île Séguin, c'était une usine importante. Et quand je vois maintenant que c'est tout rasé... C'est important qu'on détruise un outil de travail comme ça. Il y avait de l'argent dans ces machines et tout ça. C'est vraiment impensable. Tout rasé. À chaque coup que je passe là, je regarde toujours ce plateau maintenant qui est tout nu. Mon prénom c'est Roger. Et puis j'ai 83 ans, il y a 2 mois. Voilà. Là, c'est mon frère, Roger et moi. Et c'est maman qui m'avait fait ma robe en organdi, avec des petits volants et puis un petit nœud. Puis alors là, on avait nos chaussettes montées et c'est le photographe qui nous a baissé pour qu'on ait... Il trouvait que ça faisait plus joli et c'est peut-être certainement vrai. Là, c'est mon fils Dominique. Et là ? Baptiste, le fils à Dominique et à Christine, mon petit-fils, à mon frère Roger. Il est content, hein, là. Là, je ne sais pas ce qu'il nous fait voir, Dominique. Des photos? Des planches de bande dessinée. Oui, et sur sa bande dessinée, il raconte son enfance, oui. Un monde ouvrier en héritage. Un documentaire de Julie et Jean-Philippe Navarre. En fait, je n'ai jamais tellement parlé de mon enfance et ma fille m'a demandé si je pouvais raconter un petit peu, et peut-être en BD. Je ne sais pas combien il y a de planches, une centaine, peut-être plus. Voilà, le parcours des origines. En fait, ça démarre de mes parents, grands-parents. Avec cette BD quand même, c'est que d'un outil de travail qui est devenu la plume, le pinceau ou le crayon, vous racontez et vous transmettez à vos enfants l'histoire de toutes vos racines. Et je découvre moi aussi des choses cachées ou que j'avais oubliées ou qui n'étaient pas visibles. C'est une rétrospective d'une vie sociale, d'une enfance, que sais-je. Comme là, la famille, qui habitaient dans des baraques en bois. C'était sobre, pauvre. L'hiver ne devait pas être joyeux à passer dans ces maisons, encombrées de fumée, parce qu'on fumait à l'intérieur. Mais c'était convivial. On voit un poêle à bois. Avec une bouilloire. Ma mère était bonne ou femme de ménage dans les maisons bourgeoises. Roger. Puis mon père a fait un tas de travail aussi, qu'il n'avait pas de formation. Sauf plus tard, après, quand il a travaillé chez Renault, il avait une spécialité, régleur sur tour automatique. J'ai connu ça en 1936. Quand est-ce qu'il est rentré chez Renault, je ne sais pas, parce qu'on ne parlait pas beaucoup de tout ça à la maison. Non, les parents étaient un petit peu sauvages. Ils n'étaient pas aussi près de leurs enfants dans le temps. Ils vous ont transmis quelque chose au niveau des valeurs, du travail ou... Du travail surtout, oui. Ben, mon père, il a toujours un peu travaillé en usine, mais il avait déjà fait un apprentissage dans la métallurgie. Ma mère, oh, elle vient d'un pauvre, pauvre milieu. Et elle a été toute petite, un petit peu prise en charge comme ça. Elle savait pas faire une lettre. Et après, toute jeune, 17 ans, elle a rencontré mon père qui venait d'un autre milieu qu'elle. Il venait d'un milieu supérieur, puisqu'il avait fait des études. Et à l'époque, c'était bien. Certificat d'études et CAP. Alors, je suis Andrée. Moi, j'ai 80 ans et mon frère, 83 ans. Vous connaissiez un petit peu l'univers des usines Renault au moment des grèves de 36, je crois, j'allais allé. Simplement porter la gamelle à mon père, avec ma mère. Et on avait rendez-vous à leur place nationale. Et il y avait un grand barrage là, à l'entrée de l'usine Renault. Il y avait un micro ou quoi, et puis ils appelaient mon père. Puis il venait, puis il prenait sa gamelle. Voilà. François Béranger, le tango de l'ennui. Avec les résultats de 1936, qu'il y a eu sûrement une augmentation de salaire, il avait acheté de l'accordéon et il faisait des balles. Alors le soir, je me souviens d'un soir, il avait même acheté une vieille voiture. Et puis on avait été faire un bal au petit Clamart. Je mesure aujourd'hui combien favorisé j'étais quand je travaillais chez Petit Louis. Habillé en course sur scène dans l'entreprise modèle, je participais à l'expansion. À 6 heures du matin, levé comme un aveugle, seul avait ravalé son café, s'enfoncer dans le noir. Prendre le bus d'assaut, piétiner dans le métro, c'était le pied. Anastasie, l'ennui m'anesthésie. Bonjour. Oui. Julie, c'est ça ? Jean-Philippe. Bonjour. Bonjour. Jean-Philippe. Ça m'intéresse aussi. Je me suis posé des questions. Oui, j'y ai réfléchi. Je me suis dit que c'était difficile de séparer ce que m'a apporté mon père globalement de ce qui tient à sa condition ouvrière. C'est un tout, en fait. Pour moi, c'est un tout. Donc, je suis Evelyne. Je suis la fille de Roger. J'ai 54 ans et je suis professeure. J'enseigne les sciences et vie de la Terre au niveau lycée. J'ai des souvenirs, mais qui sont sans doute des souvenirs transmis, c'est-à-dire des photos de mon père qui pose devant une 4 chevaux qu'il a construit sur la chaîne Renault. Puis après, ce sont des souvenirs vécus, quand il travaillait à la Thomson, donc il était taulier soudeur. Et plus tard, de son travail à l'entretien. C'est-à-dire qu'il intervenait dans l'usine pour réparer des choses qui ne fonctionnaient pas, qui demandaient ses qualifications. Et est-ce que c'est quelque chose dont il parlait ? Oui, et puis aussi beaucoup de ses activités syndicales. Ça a toujours été lié, son travail et ses activités syndicales. Je me souviens plus de ces dernières années, parce que moi j'étais plus âgée, donc sans doute ça m'intéressait davantage. Et moi l'impression que j'avais, c'est qu'on ne reconnaissait pas la pénibilité de son travail et son âge qui faisait que ça devenait dur pour lui. Ça me causait des soucis et ça me révoltait aussi. Je ne comprenais pas qu'on puisse demander un effort aussi grand à quelqu'un qui vieillissait. Et sachant que c'est les agents de maîtrise avaient des parents aussi, donc c'est des choses qu'on doit pouvoir percevoir. Et de son activité syndicale, il en parlait un peu à la maison ? Beaucoup. C'est quelqu'un qui a toujours été engagé dans la vie syndicale et politique, donc ça a toujours beaucoup discuté de ça à la maison. J'avais eu mon CAP du premier coup, et puis comme j'étais déjà un peu marqué, parce que en étant apprenti, j'étais syndiqué, j'étais à la chaîne, sur les capots avant de la 4 chevaux. Et ensuite, j'ai été muté au ce qu'on appelle le contrôle. Alors, on allait chercher des pièces sur la chaîne qu'on décrochait. On les montait les unes aux autres pour voir s'il n'y avait pas un défaut. Alors, c'était sur un marbre. Alors, c'était le contrôle, voilà. Après, j'étais dans l'aviation. Et que, bon, ben le problème est le même. L'aviation, faut former des pièces, voilà. Être ouvrier, qu'est-ce que ça signifiait ? Je sais pas, j'ai pas réfléchi à ça, c'est venu tout seul, comme ça. Est-ce que c'est aussi parce que vos parents, votre père l'était, que vous êtes logiquement, en fait, devenu ouvrier ? Peut-être. C'est vrai que nos parents ont voulu au moins qu'on ait notre certificat d'études, plus un métier, un CAP, qui quelquefois choisissait pour nous. Parce que moi, je suis rentrée dans la mode parce que c'est une assistante sociale qui a conseillé maman. Parce qu'on commençait à manquer d'ouvriers pour la mode, pour les chapeaux, pour les fleurs, pour tout ça. Donc, j'ai pas choisi vraiment mon métier. Et mon frère, on l'a mis chez Renault parce que c'était l'usine la plus proche. Mon père avait travaillé chez Renault. Que maintenant, ça a beaucoup changé, hein, tout ça. Ils avaient de l'ambition, mais mon père, bon ben, il a eu une... Ça a été la guerre. Leur ménage pendant la guerre s'est détruit. Après, ben, ça n'a pas été très facile. Mais maman a continué à nous faire apprendre un métier. À ma génération, il y a des garçons, des filles qui n'avaient rien. Ils travaillaient dans des petites usines. Ils travaillaient chez des petits commerçants. Ils travaillaient sur les marchés aussi. J'ai des amis d'enfance. Eh ben, qui n'ont pas eu la chance, malgré tout, d'apprendre un métier comme moi j'ai appris. J'ai fait mon apprentissage dans un atelier, rue Richelieu, Drouot. Et puis, ben, après, je suis allée dans une maison la plus importante de Paris, chez Trousselier, ça s'appelait. Alors là, on travaillait pour la grande mode, les fleurs, la couleur qu'on faisait. Et après, on gaufrait à la main avec des boules pour donner la forme des pétales. Et puis après, on montait tout ça. Que maintenant, il n'existe plus qu'une maison sur Paris. Et les fleurs, maintenant, je pense, c'est plus tellement la mode sur les chapeaux, sur les... Il n'y a plus que pour les théâtres, peut-être. Et ça vient du Brésil, maintenant. Alors, il n'y a plus de maison de fleurs artificielles. Et après, j'ai pu élever mes enfants en travaillant à la maison. Puis après, ben, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans les écoles et je suis bien tombée parce que j'étais en école maternelle avec les, on appelait les bébés. Ils avaient 3 ans. Oui, on les appelait les bébés avec la directrice. J'ai travaillé 37 ans et demi dans les écoles et 7 ans dans le privé comme fleuriste artificielle, fleur artificielle. Dominique, fils d'André et Gilbert, neveu de Roger, je suis né en 52, je me suis marié en 75. 5 enfants, avec la même femme. Mes parents, milieu ouvrier. Mon père, ajusteur, tourneur, fraiseur. Et puis, progressivement, il progresse socialement. Ouvrier, chef d'atelier. Une chose qui m'a marqué, c'est l'époque où il est muni d'un chronomètre pour chronométrer la production de l'atelier. Voilà, j'ai ce souvenir pour lui d'une ascension professionnelle. Et puis ma mère, bah, ouvrière, alors avec un petit côté créatif. Je pense qu'elle a pris du goût à travailler, même si c'était une petite main. Alors qu'en parallèle, mon père, il a changé. Il y a eu un décalage entre ce qu'il est devenu et ce qu'elle est restée. Jusqu'à la mésentente, pas forcément uniquement à cause de leur activité professionnelle, mais je pense que ça a modifié chez lui sa vision du monde et probablement de sa relation dans le couple, dans la famille, voilà. Qu'est-ce qu'il a fait par la suite, votre père ? Bah, à la fin de son ascension, bah, il a été patron d'une petite fabrique de tricot. Il y avait une planche sur l'ascension sociale. Voilà. Alors, c'est... Les années 55-60, mon père a une voiture, il habite une toute petite maison. Et en parallèle, il y a la compétition avec mes oncles, notamment un qui habite aussi une petite maison, il est bougnat. Et le temps passe. Mon père est ouvrier spécialisé. Il lui est attribué un logement dans un HLM. Il change de voiture, là il a une traction avant. Mon oncle reste bougnat, reste et demeure toujours dans cette petite maison et il fait l'acquisition d'une, c'est une Versailles ou une l'imitation d'une américaine. Encore une ascension sociale de mon père qui change de, pour un logement plus grand, une cité neuve. Là, il a une la voiture de Fantomas, une DS ou ça devait être une ID19. Mon oncle reste toujours sa petite maison. Et là, elle a une vedette. On s'embête pour une vedette. Elle est un peu plus grosse. Mon père continue de grimper dans l'échelle sociale. Et là, il habite un pavillon. Il a une Opel Capitan. À l'intérieur, je me souviens, c'est comme un avion. Dire, voilà, la voiture comme marque de cette ascension. Mon ex-mari m'a jamais versé de pension, ni pour les enfants. Et il m'en devait une à moi, j'ai jamais eu tout ça. André ? Alors, je travaillais dans les écoles. Je mangeais pas le midi pour ramener mon repas. Et les dames qui me donnaient mon repas en mettaient toujours un peu plus dans les boîtes. Ce qui fait que le soir, je mangeais avec mon fils. J'avais plus qu'un fils à la maison. Et je mangeais, ça me faisait faire des économies. Et je pense que... Ils s'en apercevaient pas, les enfants. Et puis, le soir, en rentrant, je faisais 2-3 heures de repassage. Cet argent-là, je le mettais de côté pour les vacances. J'ai fait ça longtemps. Il m'en reste encore un peu d'argent sur de tout ce que j'ai travaillé. Puis c'est vrai que j'ai essayé que mes enfants, pas qu'ils viennent des bourgeois, mais qu'ils soient bien, qu'ils soient mieux que ma famille, que moi, leur transmettre l'éducation, de passer partout, un peu. Faut pas être complexé d'avoir eu des parents ouvriers. Et... Qu'est-ce qu'ils souhaitaient pour moi ? Je sais pas trop. Ma mère, c'est plus clair, c'était que je m'épanouisse. J'aurais pu être danseur, j'aurais pu être couturier, j'aurais pu être n'importe quoi. Mon père, c'est un peu plus vague. Peut-être faire comme lui, finalement. J'ai le sentiment d'une absence, en tout cas, d'ambition pour moi. Voilà, je me débrouillerai comme lui s'est débrouillé. D'ailleurs, j'ai failli rentrer dans une école de mécanique, ajusteur, tourneur, fraiseur. Et heureusement, je me suis cassé la jambe avant de rentrer dans cette formation. Je suis tombé d'un arbre. Donc, pour rentrer en formation mécanique, on travaille devant un tour debout. Et là, ça m'était impossible. Donc là, le parcours a bifurqué pour préparer le concours d'entrée aux arts appliqués. Ah, moi, mes enfants, je sais pas si je leur ai transmis quelque chose, mais pour moi, eh ben, je leur ai dit, vous faites ce que vous ressentez, vous faites ce que vous voulez, vous dirigez selon votre sensibilité. Voilà. Et de ce fait, ben, j'ai pas fait comme dans le temps, il y a les parents, et ben, ils aimaient que leurs enfants fassent le même métier. Et que là, bon, ben, mes trois enfants sont dans l'enseignement. Ils n'ont pas du tout suivi mon parcours, hein, si je peux dire, ouvrier. Voilà. Même s'ils ne sont pas devenus ouvriers comme vous, est-ce qu'il y a des valeurs ou des choses qui vous semblent avoir été transmises malgré tout ? Je pense déjà sur le plan revendicatif. Voilà. Quand j'étais apprenti chez Renault, alors on avait pour le pointage, la prise du travail, l'heure, on avait les mêmes prérogatives que le personnel. Et un jour, mon prof technique, il m'avait supprimé un quart d'heure, soi-disant que j'étais pas tué, on avait 3 minutes de tolérance pour le pointage, sinon après on avait un quart d'heure de supprimé. Comme on dit, on avait un quart d'heure en bas. Moi, j'avais pas pointé en retard, j'étais dans les tolérances, mais il m'avait supprimé quand même un quart d'heure. Et j'étais pas d'accord avec lui. Alors j'ai été voir le délégué. Il a été voir mon prof. Et puis il a expliqué le truc. Et puis il dit, ton gars, il a raison. Alors il dit, viens avec moi à la pendule. Alors moi, j'ai suivi derrière. Et puis il a montré la note de service. Puis il a dit, tiens, vois, ton gars, il a raison. Et j'ai eu mon quart d'heure de rétabli. Et de ce fait, eh ben, je me suis syndiqué. Vous avez été même un syndicaliste actif. Chez Renault, pas trop. Je participais au mouvement, après. C'est comme ça qu'aussi je suis tombé dans le service du contrôle, et que c'était un petit service quand même, et que la maîtrise, les chefs de service n'acceptaient pas qu'on fasse la grève dans son service, et que j'étais appelé au bureau, et qu'il m'a dit, vous me faites un mot, comme quoi vous regrettez, vous avez été entraîné pour faire la grève, tout ça. Et puis, moi, j'ai dit, je peux pas faire ça, parce que moi, j'ai fait la grève sciemment. Et alors là, il m'a dit, ben, je peux plus rien pour vous. Et puis, j'étais licencié chez Renault. En juin 1952, toute l'organisation syndicale avait été démantelée. Et c'est en 68 que les ouvriers ont obtenu que le syndicalisme ne soit plus clandestin. Ah oui, en 68, il y a eu des progrès, oui. Il a été ouvrier, mais l'image que j'ai de lui, c'est que Evelyne, ça devait être quelqu'un qui avait du potentiel étant jeune, et il a dû travailler très tôt. Ce qu'il nous a transmis, c'est que l'école, les connaissances, le savoir, c'était quelque chose d'important. Il a toujours eu cette démarche de nous emmener sur des expositions, nous faire choisir les livres qu'on voulait. Et donc le fait que je sois professeur, je pense que c'est pas un hasard. D'ailleurs, on est tous. ma sœur est institutrice et mon frère est prof aussi. Donc je pense qu'il n'y a pas de hasard. Donc pour lui, c'était très important. J'ai reproduit la même chose avec mes filles. Dès qu'elles ont eu le droit de mettre les pieds dans une bibliothèque, elles ont été inscrites à 2 ans et demi ou 3 ans. Et c'est pareil, elles sont fans de lecture. Bricolage, je sais pas. Mais les lectures, oui. Est-ce que vous avez quand même le sentiment que, au-delà d'un outil de travail qui là, n'a pas été transmis en tant que tel directement, qu'est-ce qui, dans cette perte, finalement, est resté ? Moi, je qualifierais pas ça de perte, en fait. Je pense pas qu'il y ait eu de perte, parce que... Bon, nous, on a été conscients de la difficulté de son travail, Et finalement, de ce qui nous a transmis de son métier d'ouvrier, c'est la notion de classe. On est tous les trois assez engagés aussi. Et je pense que ça vient de ça, ça vient de son travail, ça vient du fait qu'il est issu d'un milieu très défavorisé. Et nous aussi, hein, on n'a pas eu une enfance facile. C'était, je sais que mes parents comptaient, qu'on vivait avec quelques jours d'avance sur le mois suivant. Enfin bon, tout ça c'est resté. Et donc, tous les trois, on est aussi, je pense qu'on est aussi engagés syndicalement, politiquement, comme l'était mon père. Comme il l'est toujours d'ailleurs. À l'adolescence, je me souviens très bien, il y avait quelque chose qui clochait quoi dans les différentes activités. Par exemple, pour mon oncle, je me souviens qu'il avait eu des problèmes d'oreilles. Et ça m'avait révolté qu'on puisse perdre Louis à cause du travail qu'on faisait. Je sais que mon père, peu m'importait, enfin, c'était quelqu'un de qui devait bien assumer son rôle. Mais par contre, pour ma mère, ça m'a marqué le fait qu'elle ait un travail simple, ordinaire, pourtant essentiel auprès de la petite enfance, mais pas tellement reconnu. Et puis qu'elle soit obligée de compléter en faisant du repassage. Là, je rencontrais le travail un peu souffrance. Ça rejoint ce que je découvre plus tard avec Albert Jacquard, qui critique le travail torture et qui fait la différence entre le travail et une activité professionnelle, quelle qu'elle soit, mais qui procure du plaisir. Donc on peut plus l'appeler travail. Voilà. Et dans le milieu où j'étais, le travail, l'effort, la volonté, tout ça, c'était des valeurs défendues et qui m'ont beaucoup empêché d'adhérer à ce que les uns et les autres ont pu vivre. C'est comme une scission. Je voulais pas souffrir. Cavaler pour pointer, cavaler au vestiaire, enlever sa casquette devant le chef, faire tourner la machine, baigner toute la journée dans l'huile polluée qu'elle sentait. Surtout ne pas parler, mais ne pas trop rêver, c'est comme ça que les accidents arrivent. Et puis le soir venu, repartir dans l'autre sens, vers le même enthousiasmant voyage. Anastasie, l'ennui m'anesthésie. Et des périodes de grève, vous avez souvenir de moments où il y a eu encore, je dirais, des temps forts finalement? Oui, de ces... en 68. Moi, en 68, j'avais 11 ans. Enfin, j'allais avoir 11 ans en mai 68. Et à la télévision, on voyait des images très violentes, des étudiants qui se battaient, des pavés qui volaient. On voyait aussi des CRS qui intervenaient dans les usines. Et lui, il occupait son usine. Des fois, il y dormait. Et donc, moi, ça me faisait très, très peur. Et donc, il nous avait raconté qu'on n'avait pas besoin de s'inquiéter parce qu'ils avaient des lance-incendies qui repousseraient les CRS très facilement. Enfin, voilà, donc... aussi le fait qu'il prenait plus le car pour aller au travail, mais il y allait à vélo, parce qu'évidemment, il n'y avait plus le service de car que mettait en place l'entreprise. Bon, des souvenirs comme ça. Et le quotidien, c'était quelqu'un qui... Vous le voyez partir le matin, enfin, vous avez des souvenirs comme ça, un petit peu de... Il partait tôt prendre le car. Et en fait, mon enfance... c'est quelqu'un qui rentrait tard parce qu'il avait des fois il y avait des réunions et donc il rentrait souvent tard. Mais bon, il partageait parce qu'il nous racontait. Pour vous, travailleur, finalement, avoir été travailleur ouvrier, c'était avant tout la lutte quand même. Ouais. Et je regrette pas tout ce que j'ai pu faire parce que quand même, quand j'étais chez Renault, j'ai pu avec ma participation collective quand même. Décroché pour les moins de 21 ans, parce que la majorité avant était 21 ans, et il n'y avait que 15 jours de congé payé, Et pour les moins de 21 ans, on a décroché la troisième semaine de congé payé. Et après, bon ben après, ça s'est suivi quand j'étais à la Thompson, ça a été la quatrième semaine. Je me souviens même que au chef du personnel, parce que j'étais élu au comité d'établissement à la Thompson, j'ai commencé à Bagneux, et les grèves commençaient pour avoir une semaine de congé supplémentaire. Et j'avais dit au chef du personnel, à la réunion où il y avait la direction aussi, « Monsieur, vous feriez bien de nous donner tout de suite la semaine de congé supplémentaire, parce que moi, j'ai fait mes comptes pour partir en vacances sur une semaine de plus. » Alors, la direction m'avait dit « Vous mangez votre blé en herbe. » Bon, les mois ont passé, puis on faisait la grève aussi. Le jour où on a signé l'accord pour avoir la semaine de congé supplémentaire, j'avais dit à l'élection, vous voyez que j'avais raison de faire mes comptes à l'avance. Alors là, il n'y a pas eu de réponse. On peut s'apercevoir quand même qu'il y a eu les 15 jours de congé, il y a eu les 3 semaines, il y a eu les 4 semaines, il y a eu les 5 semaines, et ça n'a jamais mis en faillite les entreprises. Jamais. Voilà. Il y a eu des mouvements qui ont quand même fait plier... les patrons pour obtenir des congés, obtenir et mon enfance, elle est aussi inscrite là-dedans. Mon oncle participait à ce changement social. C'est-à-dire, c'est pas rien. C'est 70, c'est l'héritage de 68 qui est en pleine effervescence, en pleine construction, où on sait ce que l'on ne veut pas. C'est comme un chantier, tout est à construire. C'est une petite destruction pour planter un autre décor qu'on n'a jamais vu. Par exemple, si j'étais rentré dans l'école de mécanique, j'étais dans une transmission directe, quoi. C'est-à-dire que je reproduisais ce que mon père avait vécu. Et je pense que un temps, c'était probablement comme ça. De père en fils, on pouvait se transmettre un métier. Agriculteur, ouvrier, notaire, que sais-je, médecin. Et là, il y a une rupture. Alors, les arts appliqués, c'est les années 70. C'est là où les couleurs vestimentaires apparaissent, les interdits pètent. Il y a un air de liberté. Et là, j'explose, quoi. Il y a la séparation de mes parents en parallèle. Une grosse déception par rapport à l'admiration que je portais tout de même à mon père. Un personnage flamboyant, en qui même si je me suis opposé, pour qui j'avais de l'admiration. C'était probablement ambigu, mais voilà. Donc là-dessus vient tout un tas de questionnements collectifs. Hein. Ça allait de la remise en cause du travail, la remise en cause des relations amoureuses, la remise en cause de la famille, la remise en cause de tout. Là, j'ai 17 ans, 18, et je m'engouffre là-dedans et je suis très turbulent. Instrumental. Il partait comme ça à l'aventure. Ça me faisait du souci, mais je le laissais faire. Parce que j'ai connu les copains avec qui ils partaient. Je les ai reçus ici. Le voisinage n'était pas très content. Pourquoi ? Mais ils avaient des grandes barbes, c'était des hippies. Ils avaient peur des hippies. C'était des garçons intelligents, instruits et tout, mais qui avaient pris le contre-pied. Ça arrive à toutes les générations, peut-être, d'avoir comme ça des moments de révolte. Heureusement, un jour, sur pont de Sèvres-Montreuil, dans le bain de vapeur quotidien, dans la demi-conscience, au hasard d'un chaos, j'ai senti dans mon dos tes deux seins. Je me suis retourné, je t'ai bien regardé, et j'ai mis mes deux mains sur tes seins. Tu m'as bien regardé, et tu n'as pas bronché, bien mieux tu as souri, et j'ai dit: Anastasia, l'ennui m'anesthésia, Tu t'appelais Ernestine ou peut-être Honorine, mais moi je préfère Anastasie. On a été chez toi, ça a duré des mois, j'ai oublié d'aller chez Petit Louis. Qu'est-ce qu'on peut voyager dans une petite carrée? Tu m'as emmené partout où c'est bon. Et puis un jour comme ça, pour éviter l'ennui, on a décidé de se séparer. Anastasie, l'ennui m'anesthésie. Je termine pas mes études aux arts appliqués. Je me souviens parce que je refuse que le diplôme soit validé par un jury composé d'artistes reconnus, d'industriels, de gens qui pour moi ne représentent pas les valeurs auxquelles je crois à ce moment-là. Et là, bah, je vis comme un pantin sans fil, dans une liberté totale. Je fais des petits boulots de semaine en 15 jours. Et là, je rencontre une population cachée de travailleurs immigrés. Et puis, des chefs faillons horribles, quoi. Enfin. Moi, j'étais dans un lycée où mes autres camarades étaient d'un milieu plus favorisé. Donc, je voyais la différence. C'était surtout quand on est enfant, hein, c'est pas niveau vestimentaire, les possibilités. Voilà, pour moi, le monde ouvrier, c'était un monde. C'était être pauvre. Mais bon, mon père, il n'avait pas que des mauvais souvenirs. Il nous racontait pas que des choses de lutte et de difficultés. Il nous racontait aussi des choses de joie aussi dans son travail. Hein. Par exemple, une anecdote qu'il raconte souvent, c'est qu'il y en a un qui était venu avec des cocons de papillons et donc. Ils en avaient installé plusieurs dans leur atelier, ils surveillaient, et le jour où ça a commencé à éclore, ils sont restés assis tous sur leurs chaises, à les regarder sortir du cocon, sécher leurs ailes, s'envoler. Et nous, on a eu un cocon à la maison aussi. Enfin, il y avait aussi une vie d'atelier qui était intéressante, joyeuse. C'est pas que des difficultés, c'est un milieu solidaire et puis joyeux aussi, hein. Est-ce que vous bénéficiez de vacances avec le CE au sein de l'usine? Ben nous, on en a profité pour aller dans les colonies de vacances organisées par le CE. On a pu faire des choses qu'on n'aurait jamais faites sinon. Par exemple, partir au ski, chose que mes parents n'auraient jamais pu nous payer. Donc, oui, on est parti en colonie de vacances. On pouvait emprunter des disques aussi, des livres. Un bel acquis social, les CE. Oui. Dans l'atelier où j'étais, eh ben, y a eu des moments où ils ont fait grève pour que j'aie de l'augmentation. Ben, vu que j'étais élu et tout ça, alors j'étais coincé. Et que même après, quand j'étais en retraite, les collègues de travail, ils ont fait des démarches auprès de la direction pour réparer mon évolution de carrière. J'avais reçu un chèque de la direction de 20 000 euros. Ah, mais j'étais impressionné. Dans l'usine, j'avais encore jamais vu ça. C'était peut-être une manière aussi de vous remercier de tout ce que vous aviez fait aussi. Ah, mais quand je vais à l'usine, là, parce que tous les ans, on est invité à un repas de tous les retraités. Et quand on se rend compte, je vais refaire un tour dans l'usine pour voir tous ceux qui travaillent encore et puis que j'ai connus à cette époque. Et même quand il y a des manifestations à Paris, bon, je dépose ma voiture dans la cour de l'usine et je pars avec tout le monde dans le cœur. Comme avant. Comme avant. Tous les trois, on est aussi engagés syndicalement et politiquement. Sans doute moins qu'ils l'étaient. Sans doute moins. Parce que, peut-être pas pour mon frère, mais... Mon père, il a beaucoup donné, et il a été souvent, il n'était pas là le soir. Et donc, peut-être que nous, personnellement, moi, j'ai pas envie de m'engager totalement. C'est-à-dire que je le fais sur mon lieu de travail. Oui, ça, il nous l'a transmis, c'est certain. Hein. Quelle a été la suite de votre parcours professionnel ? Après tout ce bazar, je me suis stabilisé. J'ai travaillé quelques temps dans une imprimerie à Paris qui a été finalement mon diplôme. Et à la suite de quoi, je me marie. Et là, je cherche une autre activité dans l'éducatif, dans le social. Mettre un peu plus de sens dans le temps passé à travailler. Peut-être trouver justement une activité professionnelle et non plus un travail. Et là, je trouve une activité par chance auprès d'un médecin qui travaille en psychiatrie, qui accepte que j'anime une maison pour accueillir des malades mentaux et de leur partager mes connaissances sur les activités d'art plastique. C'est de la peinture, du dessin, de la soudure, du jardinage, de la cuisine. C'est un temps de vivre ensemble, donc je garde un très bon souvenir. Et puis une multitude de métiers aussi. J'ai travaillé, je suis un céramiste, peintre en lettres, jusqu'à faire des murs peints. Et puis là, j'étais au chômage. Ça, c'est intéressant, ça aussi, parce que je découvre que sans activité professionnelle, on existe quand même. On a un rôle à jouer, et c'est pas parce qu'on n'a plus de métier pour un temps qu'on n'est plus rien. Mais je reste pas inactif, même si c'est pas simple, hein, parce que ça réclame beaucoup d'énergie. Et ensuite, je renoue avec le social. Et là, tout prend sens, quoi. C'est-à-dire que tout mon parcours fait de briques et de brocs a un intérêt aujourd'hui. Et c'est une boîte à outils que je ne soupçonnais pas. Bon, aujourd'hui, ce que j'ai gardé, c'est une réelle empathie pour le monde ouvrier. Par exemple, j'ai été représentant du personnel, j'ai eu à accompagner des salariés dans des conflits. Et je me suis rendu compte que là, c'est un peu ma mère que j'accompagnais. C'est-à-dire des gens avec une voix qui ne se fait pas entendre et qui acceptent beaucoup trop de choses. Mais par manque de maîtrise et aussi par crainte. Et là, oui, c'est aussi c'est un héritage. Elle n'était pas leader syndicale, mais le fait qu'elle le soit pas et qu'elle ne puisse pas exprimer ce qu'elle souhaitait exprimer m'a permis, moi, d'exprimer ce que je pensais juste à côté d'eux. 80 ans, j'ai 80 ans maintenant. Et je me sens encore bien. C'est bizarre parce que on a souffert de l'exode, on a eu beaucoup de chagrin, de partir en exode 3-4 fois, enfin, séparer des parents et tout. Et je me sens bien. Finalement, je suis bien entourée avec mes enfants, mes petits-enfants et maintenant mes arrière-petits-enfants. Autour de moi, il y a beaucoup de gens qui ont mon âge et qui sont isolés, que moi, pas du tout. Je pourrais aller chez n'importe qui dire que je viens définitivement, il serait content. Il serait peut-être même jaloux des uns des autres. Il faudrait que j'aille chez les gens à tour de rôle. Ah là là. Quand y a les manifestations, ils vont aussi aux manifestations quand ça les concerne. Et puis ils cherchent à me voir. Voilà. Même il y a une de mes petites filles, la première, qui va aussi manifester. Et qui cherche à chaque coup me rencontrer. Voilà. J'ai 6 petites filles. Et puis alors chaque semaine, je suis abonné à un journal. Et dans les dernières pages, il y a toujours des reportages sur l'histoire ouvrière, très large, dans plein de domaines. Et je la découpe. Je leur dis, vous les gardez, vous les jetez, vous en faites que vous voulez. Voilà. Mais ça les intéresse. Mais du moment qu'ils les prennent, qu'ils les partagent, c'est que ça les intéresse. Voilà. On laisse un partage. Quand l'union va, tout va. Donc il y a un peu de tout, quoi. Ça, c'est les articles, donc. De l'UMA. Donc il les a agrafés et tout, donc on se dit ah, c'est quand même important. Il y en a beaucoup. Ah ouais, j'en ai encore chez mes parents. Mes cousines en ont aussi. On se partage ça comme si c'était une collection ou un truc comme ça. Mm. Et c'est vrai que c'est intéressant, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas appris en cours. Et ça permet de voir, d'avoir une vision différente des choses. Donc c'est intéressant. Et c'est un peu son histoire. Mm. Bah en fait, on a aussi retrouvé des photos où il y avait sa photo dans les manifs. C'est marrant, quoi. Il s'entoure, il nous dit ouais, regardez, j'étais là. Donc c'est vraiment concret, quoi, dans ces cas-là. C'est une mémoire vivante, du coup. Mm. C'est vrai. Je m'appelle Fanny, j'ai 21 ans. Donc là, j'habite à Orsay dans une cité universitaire. Et je suis étudiante en deuxième année de biologie. J'aimerais bien être chercheur, mais c'est des très longues études, donc on verra jusqu'où j'irai. Donc en fait, Roger, mon grand-père, c'est le père de mon père. Oui, effectivement, il y a eu transmission et je partage aussi les mêmes idées, quoi. C'est-à-dire au niveau politique et puis au niveau de... Je sais pas trop comment dire. Des valeurs, peut-être. Oui, des valeurs et puis des principes de vie que je partage. Je pense qu'il faut avoir conscience de la chance qu'on a de pouvoir faire des études et d'être quand même à l'aise dans la vie. Parce que mes grands-parents n'ont pas eu une enfance très aisée. Et de pas l'ignorer, quoi. C'est vrai que je suis assez fière de mon grand-père, de ce qu'il a fait, de son engagement. Mais j'ai l'impression qu'à l'époque, il y avait des choses à gagner. Alors que maintenant, on est plutôt en train d'essayer de ne pas les perdre. Et donc, c'est vraiment... pour moi, c'est vraiment différent entre aujourd'hui et à l'époque. Et à l'époque, ça paraissait vraiment indispensable de se battre pour gagner des droits. Alors que maintenant, qu'on les a déjà, et que c'est en train de régresser, c'est plus compliqué parce que... Il y a moins de mouvement et on a tendance à laisser faire, quoi. J'ai l'impression. Ton grand-père nous disait que ça lui était arrivé de te rencontrer au cours d'une manifestation, par hasard. Oui, en fait, on y allait avec mon père et ma sœur. Donc des fois, on se croisait là-bas, quoi. Et ça me fait plaisir. Enfin, des fois, je vois ma tante aussi. Ça fait d'une pierre deux coups de défendre nos droits et de voir la famille en même temps. C'est marrant. La morale de ce tango, tout à fait utopique, mais c'est pas interdit de rêver. C'est que si tous les prolos, au lieu d'aller pointer, décident un jour de s'arrêter pour aller prendre leurs pieds, ou que ça leur plairait, ça serait bien moins polluant que l'ennui. Y'aurait plus de gars comme moi, comme j'étais autrefois, qui se répétaient tout le temps pour tuer le temps. Anastasie, l'ennui m'anesthésie. Alors, je m'appelle Baptiste, j'ai 23 ans, je suis le fils de Dominique, son quatrième enfant, et le petit-fils de André, qui est la mère de Dominique, voilà ma grand-mère. Là, on te prend la sortie du travail. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais actuellement ? Alors, je travaille dans un foyer d'hébergement. Donc, c'est une structure qui accueille des personnes en situation de handicap mental qui travaillent en ESAT, qui sont des entreprises adaptées. Je travaille là-bas dans le cadre de ma formation d'aide médico-psychologique. Voilà, en alternance. Donc je me rends en formation une semaine par mois et le reste du temps, je travaille dans ce foyer, qui est un internat. Bienvenue chez moi. Alors c'est Samuel, mon fils, qui a 7 mois. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire, toi, par exemple, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir des activités de ta grand-mère ? Mis à part le fait qu'elle a élevé mon père, j'en connais pas énormément plus. Toi, est-ce que tu peux dire quel a été ton parcours ? J'avais envie de travailler, de faire quelque chose de mes mains, de faire quelque chose qui me semblait utile. Je suis parti en apprentissage, et j'ai fait un CAP menuiserie. Voilà, j'ai découvert le milieu de l'entreprise, le travail. Me lever le matin et rentrer chez moi le soir crevé. Alors ce qui me plaisait dans le fait d'aller en menuiserie, c'était d'intégrer en quelque sorte le monde ouvrier, de me faire des calomains, de muscler, d'avoir des vêtements sales parce que j'avais travaillé. Voilà, et puis de percevoir mon salaire à la fin du mois, que je savais bien mériter parce que j'en avais chié, on va dire ça. Et j'ai vraiment fait le lien avec le milieu d'où venait mon père. Et je me suis arrêté assez rapidement après le CAP, suite à une mauvaise rencontre, on va appeler ça comme ça. Voilà, mon employeur avec qui ça s'est pas très bien passé. J'ai tout claqué en fait à ce moment-là. J'ai ressenti un gros manque d'humanité, enfin en tout cas de relations et d'échanges humains. Et c'est pour ça que je suis allé dans le social, où voilà, j'avais envie de retrouver cette idée de la relation, de l'échange, de s'intéresser à l'autre, voilà, d'avoir un intérêt pour l'autre. Et c'est ça que je retrouvais pas dans le monde du bâtiment, de l'entreprise. Qu'est-ce qui te semble que ton père t'ait transmis justement de ses racines, de sa vision du travail ? Un côté déjà profondément humain, de l'intérêt pour l'autre, puis de l'intérêt pour soi aussi. Je connais pas ce qu'il a pu faire avant d'avoir des enfants, ou en tout cas très peu. Je l'ai surtout imaginé. Après, ce que j'ai gardé de lui par rapport au travail, c'est que c'est une vision assez particulière de la hiérarchie, la valeur d'autonomie, d'indépendance de la pensée. Cette idée aussi de simplicité et d'être bien là où on est, même si on n'a pas grand-chose, c'est quelque chose que j'ai vraiment adopté aussi. Et toi, qu'est-ce que tu penses que tu transmettras à ton fils ? Qu'est-ce que tu aimerais ? Mais disons, si tu devais garder quelque chose de ce que ton père t'a transmis, justement, de toutes tes valeurs, enfin, toi, qu'est-ce que tu aimerais lui laisser ? Le fait que ce qui arrive, on le doit à soi-même, que tout n'arrive pas tout cuit dans l'assiette. Et puis aussi ce goût de la simplicité, qu'il n'y a pas besoin de... qu'on peut vivre simplement, mais que ça peut être très riche quand même. Et même souvent, je pense que la richesse, elle vient de la simplicité. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais transmettre à mon fils. D'être un individu, mais d'être aussi un citoyen, de s'intéresser aussi à ce qui se passe hors le foyer, hors la vie privée, qu'il y a aussi d'autres gens qui vivent autour de nous, et que la manière dont ça s'organise, bah, c'est à chacun de le construire. Et je pense que ce côté militant, c'est quelque chose de... Enfin, pour moi, c'est quelque chose d'important à transmettre, que voilà, qu'il y a un collectif. Et pour que chacun soit bien dans ce collectif, bah, il faut œuvrer pour ce collectif. Et ça, c'est quelque chose de... Je pense que mon père m'a transmis et que j'aimerais transmettre. Depuis peu, j'ai fait le pas de me syndiquer. Alors, c'est encore tout neuf, donc la suite au prochain épisode. Merci à André, Roger, Evelyne, Dominique, Fanny et Baptiste. Coordination, Irène Omelianenko, Michel Pomared, attaché d'émission, Christine Gage, Laure-Hélène Plancher, Un monde ouvrier en héritage, un documentaire de Julie et Jean-Philippe Navarre. Ouvriers, transclasses, parvenus, déclassés ou héritiers, LSD, la série documentaire à l'heure d'été, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, liens, replay et podcast pour écouter à l'usine, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Et les pages, c'est Marivona Bolivier, Mathias Meji et Annelise Signoret. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et sur Instagram. Et la semaine prochaine, nous nous demanderons si nous sommes libres de nos habits.